الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Semaine dernière, on avait terminé d'expliquer le hadith numéro 80, qui est le hadith de Aïcha رضي الله تعالى عنها, dans lequel l'auteur a cité un certain nombre de jugements à en déduire et différentes divergences entre les savants. Et le hadith avait été récité la semaine dernière, donc on va continuer directement sur le hadith suivant. قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والثمانون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري ومسلم. Le hadith 81. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains au niveau de ses épaules lorsqu'il commençait la prière. Et lorsqu'il faisait le takbir pour s'incliner. Et lorsqu'il relevait sa tête de l'inclinaison, il les levait également. C'est-à-dire, il levait également ses mains. Et disait, « Sami'a Allahu liman hamidah » Allah entend ceux qui le louent. Et disait ensuite, « Rabbana walakal hamd » Ô Seigneur, à toi la louange. Et il ne faisait pas cela pendant la prosternation. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي الصلاة مأدبة كريمة جمعت كل ما لذ وطاب فكل عضو من البدن في البدن له فيها عبادة خاصة ومن ذلك اليدان فلهما وظائف منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة وإشارة إلى الدخول على الله ورفع حجاب الغفلة بين المصلي وبين ربه ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه ورفعهما أيضا للركوع في جميع الركعات وإذا رفع رأسه من الركوع في كل ركعة وفي هذا الحديث التصريح من الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود. Le sens général du hadith. La prière est une adoration saine et bonne qui rassemble tout ce qui est bon et tout ce qui est mielleux. Chaque membre du corps y a une adoration qui lui est propre. Et parmi ces membres du corps, les deux mains, elles ont une fonction qui est qu'elle soit levée au moment du premier takbir, ceci pour embellir la prière. Wa isharatan ila ad-dukhuli ala Allah est un signe avant d'entrer et de se présenter à Allah. Et c'est également un signe de soulèvement du voile de l'insouciance entre le prieur et son Seigneur. Et il lève les mains au niveau des épaules. Il les lève lorsqu'il s'incline dans l'ensemble des unités de prière, de la prière. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ Et également lorsqu'il relève sa tête de l'inclinaison, et ceci dans chaque unité de la prière. Et dans ce hadith, il y a التصريح من الراوي, une attestation du rapporteur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela pendant la prosternation. Qu'il ne faisait pas cela, c'est-à-dire le takbir ou lever les mains? Lever les mains. اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك حيث روي عن 50 صحابيا منهم العشر المبشرون بالجنة. La divergence des savants. Il dit رحمه الله, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est légiféré de lever les mains au moment du premier takbir, car les hadiths à ce sujet sont mutawatir et ont été rapportés par plus de 50 compagnons, et parmi ces 50 compagnons, les 10 qui ont été promis au paradis. واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرهما فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى استحباب ذلك في هذه الثلاثة المواضع المذكورة في هذا الحديث. قال ابن المديني, هذا الحديث حجة على الخلق ومن سمعه فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم, روي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا, واتفق على روايتها العشرة. وقال الحاكم, لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعده من أكابر الصحابة غير هذه السنة. Les savants ont divergé sur l'obligation de lever les mains en dehors du premier takbir. La majorité des compagnons, de ceux qui les ont suivis, de ceux qui sont venus après eux, parmi eux, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, sont de l'avis qu'il est préférable de lever les mains pendant ces trois moments qui ont été cités dans le hadith, qui est au moment de Takbirat al-Ihram, au moment de l'inclinaison et lorsque l'on se relève de l'inclinaison. Et l'imam Ibn al-Qayyim, ou l'imam Ibn al-Madini, a dit dans ce hadith, il y a une preuve pour la création. Celui qui l'entend, c'est-à-dire ce hadith, il doit le mettre en pratique. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit que ce hadith a été rapporté dans ces trois moments, c'est-à-dire en parlant des trois moments dans lesquels on lève la main, par plus de 30 âmes, c'est-à-dire 30 personnes. Et sont d'accord sur la version de ce hadith, les 10, c'est-à-dire les 10 promis au paradis. Et Al-Hakim, rahimahullah, a dit, nous ne connaissons pas une sunna dans laquelle sont d'accord sur sa version les 4 califes bien guidés, puis les 10 promis au paradis, puis ceux qui les ont suivis parmi les grands compagnons autres que cette sunna. C'est-à-dire le fait de lever les mains au moment ou à ces trois moments. وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق والفروع واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي وطائفة من أصحابه وجماعة من أهل الحديث أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصححه ثم قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. سلام الله. Et dans une version de l'imam Ahmed qu'a choisi Al-Majd et son petit-fils, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ainsi que les auteurs des livres Al-Fa'iq et Al-Furu', et c'est également l'avis choisi par notre cheikh Abdurrahman al-Sa'di, et c'est également une version d'après l'imam al-Shafi'i et de certains compagnons, et de certains de ses compagnons, et également rapporté par un groupe des gens du hadith que de lever les mains est préférable et recommandé dans un quatrième moment ou pendant un quatrième moment qui est lorsque l'on se lève du premier tashahhud dans une prière qui contient deux tashahhud. Ceci, d'après ce qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. C'est-à-dire qu'il levait ses mains lorsqu'il se levait du premier tashahhud d'une prière qui en contenait deux. Et également, ce qui est rapporté dans le hadith d'Abi Humayd, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et ce hadith a été authentifié par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah. Et le hadith d'Abi Humayd, il dit, puis il s'est levé des deux raka'at, a levé sa main jusqu'à les placer au niveau de ses épaules. وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام وحجتهم حديث البراء بن عازب حديث البراء بن عازب عند أبي داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث واحتجوا أيضا بما روي عن ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة حسنه الترمذي وصححه ابن حزم ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك وعده ابن أبي حاتم خطأ وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ. Et l'avis de l'imam Malik dans la version la plus connue, ainsi que l'imam Abu Hanifa, sont de l'avis qu'il n'est pas recommandé de lever les mains autre que pendant Takbirat al-Ihram. Et leur preuve est le hadith de Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, qui dit « J'ai vu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait la prière, il levait ses mains, puis ne recommençait pas. » Et l'imam Al-Bassam, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit « Al-Hufad », c'est-à-dire les savants qui ont appris la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont d'accord sur le fait que la parole, puis il n'a pas recommencer est une parole qui est mudraja, c'est-à-dire qui a été inculquée ou qui a été entrée. Al-idraj en arabe, ou al-idkhal. Que c'est une parole mudraja de Yazid ibn Abi Ziyad, l'un des rapporteurs de ce hadith. Et al-idraj, dans la science du hadith, c'est lorsqu'un rapporteur fait entrer dans le hadith une de ses paroles de façon non préméditée. De façon non préméditée. Car si c'était prémédité, ça aurait été un rapporteur qui ajoute sa parole de façon préméditée. Sahih mawdou'. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, mais c'est le rapporteur. Mais lorsque l'on croit que sa parole a été ajoutée au hadith, mais de façon involontaire, dans ce cas, on parle de idraj et de hadith mudraj. Ainsi, les hufat sont d'accord sur le fait que l'ajout puis il n'a plus recommencé, a été ajouté de façon involontaire par le rapporteur, par un des rapporteurs de la chaîne de transmission qui est Yazid ibn Abi Ziyad. Et parmi leurs preuves également, c'est-à-dire la preuve de ceux qui disent qu'il n'est recommandé de lever les mains que lors du premier takbir, ils utilisent le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi, dans lequel Abdullah ibn Mas'ud a dit « Je vais prier devant vous la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Puis, ceux qui ont rapporté le hadith ont dit « Il a prié et n'a levé ses mains qu'une seule fois. » Le hadith a été jugé bon par l'imam al-Tirmidhi. Il a été authentifié par l'imam Ibn Hazm et Cheikh al-Bassam dit « Mais le hadith n'est pas authentique chez l'imam Ibn Mubarak et l'imam Ibn Abi Hatim a considéré cela comme étant une erreur, c'est-à-dire que ce hadith est une erreur, et l'imam Abu Daoud a dit que ce hadith n'est pas authentique en ces termes. Fa تلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي. Pour résumer, il est donc recommandé de lever ses mains pendant ces quatre moments de la prière. أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا وعند الركوع، ثالثا وبعد الرفع منه، رابعا وبعد القيام من التشهد الأول. Et ces quatre moments sont premièrement au moment du premier takbir, deuxièmement au moment de l'inclinaison, troisièmement en se relevant de l'inclinaison, et quatrièmement en se relevant du premier tashahhud. ثم قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, que de lever les mains pendant le premier takbir est recommandé à l'unanimité des savants. Et de lever les mains au moment de l'inclinaison et en se relevant de l'inclinaison est recommandé selon l'avis de la plupart des savants. ثانياً أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين. Deuxièmement, que les mains doivent être levées pour arriver à la hauteur des épaules. ثالثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرفع في السجود. Troisièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait pas ses mains pendant la prosternation. Et, min bab al-aman al-ilmiya, Cheikh al-Albani rahimahullah, rapporte un hadith qu'il a jugé authentique, en lequel il dit que le prophète كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا, que le prophète صلى الله عليه وسلم levait ses mains lorsqu'il se relevait de la prosternation de temps en temps. Et ce hadith est rapporté par Abu Awana et par l'imam Abu Daoud à travers deux chaînes de transmission authentiques. Quatrièmement, rabi'an, hikamullah fi dhalika kathira wa ajma' al-ulama ala annahu 'ibadatun lil yadayni wa talammasu hikaman ukhra. Fa minhum man qala zinatun lis-salah wa minhum man qala raf'un lihijab al-ghaflati bayna yaday al-'abd wa rabbih wa qalu bi tahrik al-qalbi bi harakati al-jawarih wa qala ash-Shafi'i ta'zimu Allah wa ittiba'u sunnati an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam wa la munafata bayna hadhihi al-aqwali wa ghayriha. فلله في شرائعه حكم وأسرار كثيرة والخضوع والطاعة لله من أجل الحكم والأسرار. Quatrièmement, les sagesses d'Allah dans cela sont nombreuses. Dans quoi ? Dans le fait de lever les mains. Et les savants sont unanimes que cela est l'adoration des mains. Et ils ont cité d'autres sagesses. Certains ont dit que c'est un embellissement de la prière. D'autres ont dit que cela permet de lever le voile de l'insouciance et de l'indifférence entre Allah et entre le serviteur et son Seigneur. D'autres ont dit que le cœur bouge lorsque les membres bougent. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit parmi ses sagesses, c'est d'immensifier Allah et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Bassam dit, il n'y a pas de contradiction entre tous ces avis et toutes ces paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dans sa législation de nombreuses sagesses et de nombreux secrets. Et le fait de se soumettre à Allah et de lui obéir est sans aucun doute la plus noble des sagesses et le plus noble des secrets. الحديث الثاني والثمانون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم الحديث 82, le 82e hadith. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été ordonné de me prosterner sur sept os. Sur le front, et il a fait un signe avec sa main vers son nez, les deux mains, les deux genoux et le bout des pieds. Le bout des deux pieds. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. Amar Allah ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yasjuda ala sab'ati a'da' wa hiya ashrafu a'da' al-badan wa afdaluha. الأول منها الجبهة مع الأنف والثاني والثالث اليدين يباشر الأرض منهما بطونهما والرابع والخامس الركبتان والسادس والسابع أطراف القدمين موجها أصابعهما نحو القبلة وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته لأنه تشريع عام. Le sens général du hadith. Allah Azza wa Jalla a ordonné à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se prosterner sur sept membres, qui sont les membres les plus nobles du corps et les meilleurs. Le premier, et en fait partie, le front avec le nez. Le deuxième et troisième membre sont les deux mains qui doivent être posées sur le sol. La paume, dont la paume doit être posée sur le sol. Donc, les deux membres, lorsque l'on parle des mains, ce n'est pas le dessus des mains, mais bien sûr, la paume des mains. Le troisième et quatrième membre sont les deux genoux. Et le sixième et septième membre sont les bouts des deux pieds, ou les extrémités des deux pieds, en dirigeant les orteils en direction de la Qibla. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un ordre à l'ensemble de sa communauté, car c'est une législation générale. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها. والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود واجب عليها كلها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة والباقي مستحب، ويرى أبو حنيفة أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول. La divergence des savants. Les savants sont unanimes sur le fait qu'il est légiféré de se prosterner sur ses sept membres. Et ils ont divergé sur l'obligation de se prosterner sur ceux-ci. Et ce qui est prouvé dans ce hadith authentique est que pendant la prosternation, il est obligatoire de se prosterner sur ses sept membres entiers, sur l'ensemble de ses sept membres. Et c'est ce qui est connu de l'avis de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Et certains savants considèrent que ce qui est obligatoire, c'est uniquement le front et le reste est préférable. Et l'imam Abu Hanifa considère que le nez suffit et exempte le front, mais la parole vraie, l'avis vrai est le premier, à savoir que c'est une obligation de se prosterner sur ses sept membres. ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها وهو مذهب الإمام أحمد والوجوب مأخوذ من الأمر وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله وإظهار للذل والمسكن بين يديه. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est l'obligation de se prosterner sur l'ensemble de ses sept membres. C'est l'avis de l'imam Ahmed. Et l'obligation a été comprise par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en se prosternant sur ses sept membres, eh bien, le musulman fait ce qui lui est demandé de faire et ce qui lui est obligatoire de faire en se prosternant. Et c'est également une façon d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala et de montrer sa soumission et sa faiblesse devant lui subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, inna al-anf tabi'un lil-jabha wa huwa mutammimun lis-sujud wa 'alayhi fala takfi bidunihi. Deuxièmement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est que le nez doit suivre le front et que ceci permet de compléter le sujoud. Ainsi, elle ne suffit pas sans lui. Ou, yani, il ne suffit pas sans lui. Parce que al-jabha, le front en arabe, c'est un nom qui est féminin. Al-jabha, c'est un nom féminin en arabe, mais c'est masculin en français. Donc si on traduit en arabe, elle ne suffit pas sans lui. C'est-à-dire que al-jabha ne suffit pas sans al-anf, qui est le nez. Autrement dit, il faut obligatoirement que le nez touche le sol également. Et que le fait de poser son front uniquement sans que son nez ne touche le sol n'est pas suffisant. Fa'idatan. Puis, l'imam al-Bassam, rahimahullah, cite deux remarques. الأولى أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة كالحر والبرد والشوك وخشونة الأرض فلا يكره حين ذاك ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به كالسجادة ونحوها. Première remarque, il n'y a pas de mal à se prosterner sur al-ha'il. Comment traduire al-ha'il? Sur un obstacle, sur une chose intermédiaire entre le prieur et le sol. On va dire un obstacle entre le prieur et le sol. Il n'y a pas de mal à se prosterner sur un obstacle autre que les membres de la prosternation. Car il est interdit de poser son front sur ses deux mains pendant la prosternation. Car les deux mains font partie des membres qui ont un lien avec la prosternation. Vous avez compris ou pas? Il est interdit de se prosterner sur un membre parmi les membres de la prosternation. Et les savants ont expliqué pourquoi. Lorsque tu te prosternes, tu poses ton front sur tes deux mains. Est-ce que tu t'es prosterné sur sept membres? Sur combien? Six. Ça dépend. Si tu poses ta main droite sur ta main gauche et tu poses ton front, combien? Ça fait cinq. Si tu poses ton front sur tes deux mains posées sur le sol, ça fait six. D'accord? Donc, pour cela, il est interdit de se prosterner sur un obstacle qui fait partie des membres de la prosternation. Par exemple, aussi, il est interdit de se prosterner en posant un pied sur l'autre. Car si tu fais cela, tu te seras prosterné sur six membres. Or, l'obligatoire est de se prosterner sur sept membres. Puis il dit, rahimahullah, ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة. Et il est détestable de se prosterner sur ce qui a un lien parmi les vêtements comme l'imama ou autre. De ce qu'il y a un lien ici, ما اتصل به أي بالمصلي. Ce qui est déconseillé et détestable, c'est de te prosterner sur une partie des vêtements que tu portes, comme une imama ou comme une shashia ou comme une rotra, ou si par exemple tu portes un manteau, de te prosterner sur la capuche ou sur le côté de ton manteau ou autre. Illa ma'a al-haja, sauf s'il y a un besoin à cela. Comme la chaleur, comme le froid, comme des épines, comme un sol, comment dire, khashin, c'est un sol rigide. Dans ce cas, cela n'est pas détestable. Et également, il n'est pas détestable de se prosterner sur un obstacle qui n'a pas de lien avec le prieur, comme un tapis de prière ou autre. Non? Non, en fait, ça, la preuve, en fait, que c'est déconseillé. Quelle est la preuve que c'est déconseillé? Les savants, ils citent le hadith de de Anas radiallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari Muslim, dans lequel Anas radiallahu anhu dit: Kunna nusalli ma'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi shiddati al-har, فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Le hadith de Anas rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui disait: nous prions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un moment de forte chaleur, et si l'un d'entre nous n'avait pas la possibilité de maintenir son front à terre, alors il mettait son vêtement puis se prosternait dessus. Et les savants ont utilisé pour preuve que cela est détestable la parole de Anas: et si l'un d'entre nous n'avait pas la possibilité de maintenir son front à terre. Ça veut dire que leur habitude était qu'il n'y avait pas d'obstacle entre eux, leur front et le sol. D'accord? Mais que si il y avait quelque chose qui justifiait cela, comme une forte chaleur, si le sol est extrêmement chaud, ou si le sol est extrêmement froid, ou s'il y a des épines, ou si le sol est rigide et que tu risques d'être marqué par le sol, alors dans ce cas, il t'est autorisé de placer ton vêtement comme obstacle entre ton front et le sol. Et il dit, rahimahullah, également, وَلَا يُكْرَهُ السُّجُودَ أَيْضًا عَلَى حَيِّ. Il n'est pas détestable de se prosterner sur un tapis de prière qui n'a pas de relation avec le prieur. Yani le tapis, est-ce qu'il fait partie des vêtements du prieur? Non, c'est quelque chose d'extérieur. Mais certains savants ont donné une exception à cela et ont dit qu'il est détestable de se prosterner sur un objet ou sur un tapis qui ne fait pas partie des vêtements du prieur et de spécifier uniquement le front. Il y en a comme ceux par exemple qui prennent un petit tapis et qui posent le front dessus uniquement. Cela est déconseillé. Pourquoi? Car c'est une ressemblance à qui? Al-Shi'a al-Rawafid. Al-Shi'a al-Rawafid, eux qui dans leur mosquée, à l'entrée, vous voyez plein de pierres, etc. Et ils entrent comme ici, nous, on met des qamis, eux, ils mettent des pierres. Et lorsqu'ils entrent, ils prennent la pierre. Et lorsqu'ils se prosternent, ils ne se prosternent pas sur le tapis, mais sur cette pierre. Ils se rapprochent d'Allah en faisant cela. Donc, celui qui se prosterne sur un bout de tissu, et certains aussi, lorsqu'ils n'ont pas de pierre, parmi Rawafid, lorsqu'ils n'ont pas de pierre, ils prennent un tissu blanc sur lequel ils posent leur front. Al-Thaniya, donc c'est clair pour la première remarque de Cheikh Al-Bassam. طيب الثانية أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولا يبرك كما يبرك البعير بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. La deuxième remarque est qu'il doit poser les membres de la prosternation dans l'ordre, dans le même ordre que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de poser tout d'abord ses genoux, puis ses mains, puis son front avec son nez, et de ne pas faire comme fait le chameau, de telle sorte qu'il mette ses mains avant ses genoux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, c'est-à-dire de faire comme le chameau. C'est clair? Akul ihal, une divergence des savants, vous le savez tous. D'autres savants ont dit non, il faut mettre les mains avant les genoux, et tout revient à une version du hadith et aussi à la compréhension des mains et des genoux chez les animaux. Certains ont dit tous les membres avant des animaux, ce sont leurs mains. D'autres ont dit non, tous les membres avant des animaux sont considérés comme leurs genoux. Et la divergence a lieu donc à la fois en termes de version de hadith et à la fois également dans la compréhension de la langue arabe. الحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس رواه البخاري ومسلم والحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. Donc là, il faut être très attentif. Le 83e hadith, selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il se levait pour la prière, il faisait le takbir au moment où il se levait. Puis faisait le takbir au moment où il allait s'incliner. Puis disait Sami Allahu liman hamidah. Allah entend ceux qui le louent. Au moment où il levait son dos, où il relevait son dos de l'inclinaison. Puis disait lorsqu'il était debout Rabbana wa lakal hamd. Seigneur, notre Seigneur, à toi la louange. Puis, il faisait le takbir au moment où il descendait, c'est-à-dire pour se prosterner. Puis, il faisait le takbir au moment où il relevait sa tête, c'est-à-dire de la prosternation. Puis, il faisait le takbir au moment où il se prosternait, c'est-à-dire lors de la seconde prosternation. Puis, il faisait le takbir lorsqu'il relevait sa tête. Ici, il relevait sa tête, hein, de la deuxième prosternation. Puis, il faisait cela dans l'ensemble de sa prière jusqu'à la terminer. Et il faisait le takbir au moment où il se levait de la deuxième raka'a après cette assis, c'est-à-dire après le premier tashahhud. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le 84e hadith, selon Mutarrif bin Abdillah bin Shikhir, il dit j'ai prié moi et Umran ibn Husayn derrière Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Lorsqu'il se prosternait, il faisait le takbir. Et lorsqu'il relevait sa tête, il faisait le takbir. Et lorsqu'il se relevait des deux unités de prière, des deux raka'at, il faisait le takbir. Après que Ali radiallahu anhu ait prié, Imran ibn Hussein a pris les mains de Mutarrif et lui a dit Hakada, qad dhakarni hadha bi salati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc Imran ibn Hussein, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ali a prié, il a pris la main de Mutarrif, donc Imran ibn Hussein a pris les mains de Mutarrif et lui a dit, celui-ci m'a fait rappeler la prière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou dans notre version, celui-ci a prié la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci, il parlait de Ali ibn Abi Talib. طيب المعنى الإجمالي في هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوي للركوع يكبر فإذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده واستتم قائما حمد الله أثنى عليه حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهي القيام ثم يكبر في هويه إلى السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منها وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه. Le sens général de ces deux hadiths. Dans ces deux hadiths, il y a l'explication de l'emblème de la prière, qui est d'attester de l'orgueil d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son immensité. Et lorsque l'on parle de l'orgueil d'Allah Azzawajal, est-ce que c'est un défaut? Non. L'orgueil est une qualité pour Allah Azzawajal et c'est un défaut pour ses créatures. Et فَمَا جَعَلَ هَذَا شِعَرَهَا وَسَمْتَهَا et le takbir n'est considéré comme un emblème de la prière, tout ceci car la prière n'a été légiférée que pour immensifier Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifier. Ainsi, lorsque le prieur entre dans la prière, il commence par faire le takbir, takbirat al-ihram, le premier, en étant debout, droit. Puis, après avoir terminé la lecture et qu'il s'apprête à s'incliner et au moment où il s'incline, il fait également le takbir en disant Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'Allah est plus grand que toute chose. Et lorsqu'il se relève de son inclinaison, il dit Allah entend ceux qui le louent. Et lorsqu'il est droit en se relevant droit, il dit louange à Allah. Il loue Allah et fait ses éloges. حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهي القيام. Il remercie Allah et fait ses éloges car il est revenu à la meilleure des postures qui est le fait d'être debout. Puis il fait le takbir au moment où il descend pour se prosterner. Puis il fait le takbir au moment où il relève sa tête de la prosternation. Puis il fait ainsi durant l'ensemble de sa prière jusqu'à la terminer. Et lorsqu'il se lève du premier tashahoud de la prière qui en comporte deux, alors il proclame la grandeur d'Allah au moment où il se lève. اختلاف العلماء اجمع العلماء على وجوب تكبيرة الاحرام للنص عليها في حديث المسيء في صلاته واختلفوا فيما عداها من التكبيرات فذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاته وهذه التكبيرات لم تذكر فيه. La divergence des savants. Les savants sont unanimes sur l'obligation de faire le premier takbir, takbirat al-ihram, للنص عليها, car elle a été citée dans le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Et ils ont divergé sur tous les autres takbirs de la prière. Donc les savants sont unanimes sur l'obligation de dire le premier takbir, takbiratul ihram. Et il ne faut pas confondre entre le takbir et le fait de lever les mains. Là, c'est tout frais, mais dans quelques mois ou dans quelques années, si la personne ne révise pas ses cours, il risque de s'en mêler les pinceaux et de confondre entre le fait de lever les mains et le fait de dire le takbir. Et il va se rappeler que les savants sont unanimes. Ils sont unanimes, oui, sur le fait que le takbir, premier takbir, est obligatoire, et ils sont unanimes que le fait de lever les mains pendant le premier takbir est recommandé. Taïb. Et il dit, rahimahullah, est l'avis de la plupart, ou d'une grande partie des juristes, et que les autres takbirs ne sont pas obligatoires. Car l'obligatoire chez eux sont les actes de la prière qui ont été cités dans le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Et les autres takbirs en dehors du premier n'ont pas été cités dans le hadith de l'homme qui a mal fait sa prière. قال في فتح الباري الجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. Al-Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari a dit: la majorité des savants considèrent qu'il est recommandé de faire les takbir autres que le premier takbir, takbiratul ihram. Wa dhahaba al-Imam Ahmad wa Daoud al-Zahiri ila wujub takbirat al-intiqal mustadillina bi idamati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laha وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. فذكر الحديث وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها. وأجابوا عن حديث المسيء أنه أتى في طريق أبي داود والترمذي والنسائي أنه قال للمسيء ثم يقول الله أكبر ثم يركع وذكر بقية التكبيرات. Et l'imam Ahmad ainsi que Daoud al-Zahiri, eux sont de l'avis qu'il est obligatoire de faire les takbir lors des différents mouvements de la prière. Takbirat al-intiqal, c'est-à-dire lorsque tu passes d'une posture à une autre. Et ils ont pour preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela de façon constante, et ils utilisent aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: priez comme vous m'avez vu prier. Et ils ont aussi pour preuve ce qu'a rapporté Abu Daoud d'après Ali ibn Yahya ibn Khalad, d'après son oncle paternel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de l'un d'entre vous ou la prière de l'un d'entre les gens ne peut être complète que lorsqu'il fait ses ablutions. Et il a cité le hadith et a cité dans ce hadith les différents takbirs. Et ils ont répondu au hadith de celui qui a mal fait sa prière, qu'il a été rapporté dans la version d'Abu Daoud, de Tirmidhi et de Nasa'i, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui a mal fait sa prière: puis dit Allahu Akbar, puis incline-toi. Et il a cité les autres takbir. واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده والتحميد وهو قول ربنا لك ولك الحمد. فذهب إلى وجوبه على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد طائفة من العلماء من الصحابة أبو برزة ومن التابعين محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح ومن المحدثين إسحاق وأبو داود ومن أئمة المذاهب مالك والشافعي وداود وحجتهم حديث الباب وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره واحتجوا أيضا بما نقل من الإجماع على وجوبه على المنفرد وألحق به المأموم لأن ما ثبت في حق مصل ثبت في حق مصل آخر بلا فرق. Et les savants ont également divergé sur le fait de dire à la fois le tasmi' et le tahmid pour le prieur. Le tasmi' c'est le fait de dire Sami'allahu liman hamidah et le tahmid c'est le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. Donc les savants ont divergé sur le fait de rassembler les deux. De dire Sami'allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Ceux qui sont de l'avis que cela est obligatoire pour chaque prieur, qu'il soit imam, qu'il prie derrière un imam ou qu'il prie seul, sont de l'avis que cela est obligatoire un certain nombre de savants. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Barzata al-Aslami radiyallahu anhu, parmi les tabi'in, Muhammad ibn Sirin et Ata ibn Abi Rabah, qui font partie des plus grands, les tabi'in, rahimahum Allah. Et parmi les gens du hadith, Ishaq et Abu Daoud, et parmi les imams des écoles, Malik, al-Shafi'i et Daoud. Et leur preuve est le hadith que l'on explique actuellement, les deux hadiths que l'on explique actuellement, et ce qui est rapporté par l'imam al-Daraqutni, dans ses sunan, selon Buraïda, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Buraïda, lorsque tu relèves ta tête de l'inclinaison, dis, Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana wa lakal hamd. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Daraqutni. Et le haqiqa, je n'ai pas trouvé de jugement sur ce hadith. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais j'en ai pas trouvé. Et également, parmi leurs preuves, c'est qu'il y a l'unanimité des savants sur l'obligation de dire Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd pour celui qui prie seul. Et ils ont donc associé ce jugement à celui qui prie derrière l'imam, car ils disent que ce qui est rapporté pour un prieur est valable et concerne l'autre prieur sans différence. وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن مسعود ومن التابعين الشعبي ومن المحدثين سفيان الثوري ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة وصاحباه والإمام أحمد والأوزاعي وهو مروي عن مالك أيضا واحتج هؤلاء الفقهاء على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وأجاب عن أدلة أصحاب المذهب الأول عن أصحاب المذهب الأول بما يأتي أما حديث الباب فهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أو منفرد ومحل النزاع في المأموم وأما حديث بريدة فضعيف الإسناد ولا يحتج به وأما إلحاق المأموم بالإمام والمنفرد فلا قياس مع النص والله أعلم. Et ils sont de l'avis qu'il n'est pas obligatoire de rassembler entre le tasmi' et le tahmid. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de dire « Sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd » pour celui qui prie derrière l'imam. Ils sont de l'avis qu'il n'est pas obligatoire de rassembler les deux parmi les compagnons Abu Huraira et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Parmi les tabi'in, al-Shu'bi. Parmi les gens du hadith, Sufyan al-Thawri. Parmi les savants des écoles, Abu Hanifa, ainsi que Wasahibah, Wal-Imam Ahmad, Wal-Awza'i, ainsi que l'imam Ahmad et l'imam Al-Awza'i. Et c'est également une autre version d'après l'imam Malik, Rahimahullah. Et ils ont pour preuve que cela n'est pas obligatoire, le hadith d'Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'imam est présent pour être suivi. » Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et lorsqu'il dit « Sami'a Allahu liman hamidah » dites « Rabbana lakal hamd » C'est-à-dire, lorsque l'imam dit « Sami'a Allahu liman hamidah » dites, c'est-à-dire vous qui priez derrière lui, Rabbana lakal hamd. Et ils ont répondu aux preuves des savants du premier avis, qui disent eux qu'il est obligatoire de rassembler entre le tasmir et le tahmid. Ils ont répondu comme ceci. Concernant le hadith, les deux hadiths que l'on explique, sont les hadiths d'Abu Huraira et l'autre de Mutarrif ibn Abdullah al-Shikhir, ils ont répondu que ces hadiths décrivent la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était que imam ou prié seul. Et le désaccord a lieu sur qui ? Sur celui qui prie derrière l'imam. Quant au hadith de Buraydah, sa chaîne de transmission est faible, on ne peut donc pas le considérer comme une preuve. Et quant au fait d'associer celui qui prie derrière l'imam à l'imam et à celui qui prie seul, il n'y a point d'analogie lorsqu'il y a un texte. Point d'analogie lorsqu'il y a un texte. C'est-à-dire, lorsqu'un texte parle d'un cas bien précis, il n'est pas autorisé de faire l'analogie avec un autre cas. Autrement dit, les hadiths ici du professeur Asselem parlent du professeur Asselem en tant qu'imam, hamukallah, ou en tant que prieur seul, alors il n'est pas il n'y a point d'analogie lorsqu'il y a un texte. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Et, ala kulli hal, il y a beaucoup de choses à dire sur cette divergence, mais on va se contenter, inshallah, de ce qu'a dit l'imam al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. أولا مشروعية تكبيرة الإحرام وأن تكون في حال القيام. Premièrement, qu'il est légiféré de dire le premier takbir et qu'il se dit lorsque l'on est debout. ثانيا مشروعية تكبيرة الركوع وأن تكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع. Deuxièmement, qu'il est légiféré de faire le takbir pendant l'inclinaison et que ce takbir a lieu au moment où durant le mouvement qui va de la position debout vers l'inclinaison. Donc c'est au moment où tu t'inclines que tu dis le takbir. ثالثا التسميع للإمام والمنفرد ويكون في حال الرفع من الركوع. Troisièmement, le tasmi' pour l'imam et celui qui prie seul, qui a lieu au moment où l'on se relève de l'inclinaison. Donc, Cheikh al-Bassam a choisi quel avis ? Le second. Et que le tasmi' est propre à l'imam et à celui qui prie seul. رابعا التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام. Quatrièmement, le tahmid, de dire ربنا لك الحمد ou ربنا ولك الحمد. Et on verra par la suite que le mieux est de dire ربنا ولك الحمد pour chacun des imams, de ceux qui prient derrière lui et de celui qui prie seul au moment ou lorsque l'on est debout, lorsque tu te relèves de l'inclinaison et que tu es droit, que tu as le dos droit, c'est à ce moment que tu dis Rabbana wa lakal hamd. Khamisan, at-tuma'nina ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Cinquièmement, on en retient la quiétude et la sérénité après s'être relevé de l'inclinaison. سادسا التكبير في حال الهوي من القيام إلى السجود. Sixièmement, on retient de ce hadith le fait de prononcer le takbir au moment où l'on descend de la position debout vers la prosternation. سابعا التكبير في حال التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين. Septièmement, on en déduit le fait de prononcer le takbir lorsque l'on se relève du sujoud et que l'on s'assied entre les deux prosternations. Huitièmement, ثامناً أن يفعل ما تقدم عدا تكبيرة الإحرام في جميع الركعات. Huitièmement, de faire ce qui a été précédemment dit autre que excepté le premier takbir dans l'ensemble des unités de la prière. تاسعا التكبير حال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين. Neuvièmement, de dire le takbir au moment où l'on se lève du premier tashahud vers la position debout, et ceci dans les prières dotées de deux tashahud. عاشرا المفهوم من لفظ حين أن التكبير يقارن الانتقال فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه وهذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار. Dixièmement, on comprend de la parole hina, c'est-à-dire au moment, que le takbir doit coïncider avec les mouvements. Il ne doit pas précéder les mouvements, ni être retardé par rapport aux mouvements, et ceci est ce qui est légiféré. C'est-à-dire que lorsque tu fais le takbir au moment où tu t'inclines, c'est lorsque tu t'inclines que tu fais le takbir. Lorsque tu te relèves, c'est au moment où tu te relèves de l'inclinaison que tu fais le takbir. C'est au moment où tu descends vers le sujoud que tu fais le takbir. C'est au moment où tu te relèves que tu fais le takbir. Et l'imam Ibn Daqiq al-Aid a dit, et c'est ce qui a persisté parmi ce que les gens ont fait, ainsi que les imams et les juristes des différentes contrées. Ihda ashar. ذكر ناصر الدين بن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية. Onzièmement, ناصر الدين بن المنير a dit que le fait de renouveler le takbir à chaque unité de prière et pendant chaque mouvement a le même niveau que le fait de renouveler l'intention. ثم قال رحمه الله فائدة ورد في بعض روايات الحديث ربنا لك الحمد ورد في البعض الآخر ربنا ولك الحمد بإثبات الواو وهو أكثر الروايات وهي أرجح وأولى لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود. Il remarque, il a été rapporté dans certaines versions du hadith Rabbana laka alhamd. Il a été rapporté dans d'autres versions du hadith Rabbana wa laka alhamd en citant le waw. Et ce sont les versions les plus nombreuses. C'est-à-dire les versions les plus nombreuses sont celles qui rapportent le waw et c'est celle qui est la plus authentique et celle qui mérite le plus d'être dite. والله أعلم ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.